regarder et que je me mette enfin du plomb dans la tête. Un coup de fusil entre les deux yeux et là je partirai comme on part à la fête. Maintenant je m'en fous, mes valises sont prêtes. Je me fais la malle. Déjà sonne le gong, un dernier verre, un dernier coup, avant que s'arrête dans ma poitrine. Mon cœur et mes amours à la cadence des machines. Le ciel est bleu, la voix est libre et vive la liberté. Un coup de fusil entre les deux yeux, et voilà que je partirai comme on part.